Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur les micros de la rage au 99.1 et aujourd'hui on accueille une invitée. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je m'appelle Annie Catus. Je suis tout d'abord conseillère municipale Oui. et je suis aussi présidente du cinéma Le Générique à Montbazon. D'accord, donc on vous reçoit aujourd'hui justement pour revenir un petit peu sur l'événement qui aura lieu ce dimanche, le dimanche 13 mars. Oui. Pour les 60 ans du générique. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on pourra un petit peu justement aborder cet événement? Qu'est-ce qui est prévu? À quoi on peut s'attendre? Alors, donc pour cette journée événement, donc nous avons en collaboration en premier lieu en fin de matinée à 10h30 en collaboration avec l'accueil jeune, un ciné-petit-déj Ouais. qui est destiné aux enfants Ouais. et qui a déjà eu lieu, ça fait la troisième fois je crois que nous l'organisons avec l'accueil jeune Ouais. et c'est à chaque fois une réussite. C'est vrai, Et ouais. donc voilà, donc dimanche 13 mars à 10h30, vous aurez un ciné-petit-déj qui vous présentera le film Ratatouille. C'est ça. Voilà. Et en seconde partie, donc. Et alors ensuite, l'après-midi. L'après-midi, c'est donc pour les 60 ans du cinéma, Ouais. c'est-à-dire nous passons un film des années 50 À qui savoir. s'appelle French Cancan avec Jean Gabin, Ouais. Françoise Arnoux, Maria Félix. Oui. Voilà, c'est pour des souvenirs pour certains, hein, voilà. Ouais. Et peut-être découverte des années 50, du cinéma des années 50, hein, Ouais, pour les pour les jeunes, on autres, pourra bien parce que sûr. ce n'est pas fait que pour les anciens. Du tout. Voilà. Ensuite, nous faisons un petit entracte pour nous rafraîchir un petit peu. Important. Voilà, avec un petit rafraîchissement, des petites choses à manger. Ouais. Voilà. Et nous repartons ensuite sur un film de récent, de 2016, là, du coup, Ouais. en avant-première, un film qui s'appelle Médecin de campagne, Très bien. qui ne sortira que dans 15 jours. Ouais. Donc vous avez eu Et l'exclusivité. nous, on a l'exclusivité, on en a de temps en temps, hein, des films en exclusivité comme ça. Ouais. Mais pour les 60 ans, c'était bien qu'on ait. Et ce film s'appelle Médecin de campagne, Ouais. hein, avec. Comme François Cluzet, pardon, Ah ben. et Marianne Denicourt. Bon, c'est parfait. Voilà. Et donc. Les 60 ans de ce générique, c'est peut-être un petit peu l'occasion aussi de revenir sur ces 60 années. Ah oui. Alors, on va peut-être pouvoir un peu parler de l'origine de cinéma, comment. Alors, l'origine, j'ai reconstitué parce que pour les 40 ans du cinéma en 1995, Oui. nous avions fait une manifestation aussi et il avait été fait une grande exposition avec toute l'origine du cinéma. Et le cinéma a déménagé ses bureaux après, dans les années suivantes. On n'a jamais retrouvé cette exposition. Donc j'ai un peu essayé de retrouver. Bon, alors le cinéma a été créé à Montbazon dans les années 50, 55, Oui. hein, par le pharmacien de Montbazon qui possédait déjà un cinéma à Tours, le D'accord. Caméo. Voilà. Et il voulait installer un cinéma à Montbazon. Donc il l'a installé dans une salle, une petite maison qui était sur la rue de Mont, Oui. hein, et dans le périmètre des écoles. Et par la suite, c'est devenu une classe des écoles, Ouais. cette salle-là. Et ensuite, donc, après, dans les années 60, le cinéma a été transféré à Là où il est là actuellement. où il est actuellement. Ouais. Et Toujours c'était. tenu par Alors, la même personne. c'était un monsieur, un électricien de Montbazon qui s'appelait Monsieur Dubois. Ouais. qui projetait à l'aide de sa femme qui vendait des confiseries. Ouais. et moi, je me souviens, j'étais petite, hein, je venais là. Voilà, et puis bon, j'ai continué à venir au cinéma à Montbazon. Et puis, dans les années 70-71, un couple de passionnés de cinéma, le monsieur était projectionniste, ils avaient aussi le cinéma de Cormery, donc ils ont géré le générique, enfin qui ne s'appelait pas le générique, qui s'appelait Le Rabelais. D'accord. Voilà, au départ, ce cinéma s'appelait Le Rabelais. Et donc, ils ont géré pendant une vingtaine d'années. Et puis, en 1980, fin 91, 1991, Je connaissais bien cette dame-là, puisque j'avais été à l'école avec. Ouais. Elle m'a dit, je suis allée au cinéma un jour, et puis elle m'a dit, mais tu sais qu'on va fermer, on va arrêter, parce que 20 ans, ça suffit, bon, on en a un petit peu assez. Et donc j'ai dit, mais c'est pas possible, ça peut pas fermer. Bah non, ce serait dommage. Voilà. Donc je suis allée trouver le maire de l'époque, monsieur Régis Ramage. Oui. Et puis son chargé de mission, ouais, qui s'appelait Marine Deslandes. Et donc, on a créé une association, mmh, qui s'appelle toujours l'Association des Amis de l'Espace Pierre-Méry. C'est un peu long. Et donc, voilà, on a créé une association. Ouais. Et donc, à cette époque, j'étais trésorière. Très bien. Voilà, donc on a commencé vraiment, on a tout appris. Hein, C'est vrai, vous n'aviez pas de connaissances particulières Pas du tout. La présidente, c'est Claire Fleury, elle n'était pas du tout on est allé se renseigner aux impôts partout, mm-hmm, comment il fallait faire et tout. Parce que c'est assez complexe, hein, la gestion du cinéma quand même. Ouais. C'est assez surveillé. Donc voilà, on a monté l'association et puis on était tout un groupe de bénévoles. Ça se passait très bien, quoi. Ça s'est passé très bien. Donc après, le cinéma prospère. Je deviens présidente en 1996. Ouais. Je deviens présidente du cinéma. Et je reçois le trophée du Val de l'Indre. En plus ? Oui, c'était bien. Justement. Hein, ça. Ah oui, suite à cette reprise, c'était super. Bah non, pas support à moi, mais parce que ça se trouvait au moment où j'avais repris le cinéma. D'accord. Mais non, c'était pour justement récompenser l'effort de bénévoles, parce, mm-hmm, qu'on tous bénévoles, sauf le projectionniste qui était salarié. Ouais. Et puis j'ai dit 1996, mais je reviens en 1995. Oui. On a fêté les 100 ans du cinéma et en même temps les 40 ans du cinéma de Montbazon. Et là, on a dit, il s'appelle le Rabelais, mais il y a le Rabelais à Chinon, tout ça, c'est un peu banal. Mmh. On voulait quand même trouver un nom un peu original. Oui, vous l'appropriez, voilà. Moi, je voulais, en quelque sorte. Voilà, je ne voulais pas que le cinéma... on a lancé un concours, ouais, à l'occasion de cette manifestation. Et il y a eu beaucoup... Enfin, il y a eu des noms d'artistes, le Méliès, le machin, ouais, des artistes et tout ça. Et puis, il y a eu le générique. Mmh. Alors, on dit, ça, c'est quand même mieux. Et puis, finalement, il s'appelait le générique, voilà, depuis ce temps-là. Ensuite, en 1998, ouais, donc, on obtient le Dolby stéréo. Ouais. C'était une grande avancée. Hein. Mmh. Et surtout en matière de son. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, bon, le temps passe, on prospère, tout ça. Et puis, en 2013, la communauté de communes nous demande de reprendre la compétence cinéma. Ouais. Donc, voilà, en 2013, des travaux au rez-de-chaussée sont exécutés pour, mmh, tout changer, parce que c'était quand même... Ça en avait besoin. C'était d'époque, un peu. Ouais, d'époque, puis ça ressemblait pas du tout à un cinéma. Les gens qui avaient fait ça, ça ressemblait plutôt à un hôpital. Ah non, mais c'était un balatum bleu, ciel, dans les marches. C'était... Non, c'était pas. Puis après, bon, ben, la CCVI a pris la compétence, ils sont propriétaires des locaux. Ouais. Donc, on avait l'accès à l'espace Pierre-Méry à ce moment-là, et l'accès a été fermé. L'escalier a été changé de côté. Enfin, on a tout transformé. On a fait un cheminement pour l'accessibilité. Oui. C'était surtout ça aussi. On a fait des travaux aussi parce qu'on était obligés pour l'accessibilité. Mm-hmm. Et puis d'avoir un ascenseur. Oui, justement, ouais. J'ai vu en passant. Et puis le cheminement pour les fauteuils roulants. Ouais. Une réserve de fauteuils pour les fauteuils roulants. Mm-hmm. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis, on arrive en 2015 avec 23 000 entrées pour, quand on a créé le cinéma, environ 9 000 entrées. Voilà. C'est beau. Donc grosse évolution quand même. Ouais, on a bien prospéré. Voilà. Et justement, au courant de toutes ces années, quelles ont été un petit peu, parce que vous me disiez qu'au bout de 20 ans, la personne qui était propriétaire souhaitait fermer le cinéma. C'est-à-dire, oui, arrêter la... Et c'était simplement, c'était un problème de trésorerie, de nombre de personnes qui venaient, ou c'était Non, de ils en avaient assez, parce que, bon, ils ont élevé leurs enfants avec... Bon, ils travaillaient en même temps, hein. Mm-hmm. Il travaillait la semaine, les week-ends, et puis s'arranger pour projeter à Cormery et projeter à Montbazon. Donc, c'est bon, du temps. Il arrive un moment où, bon, il y en a assez, quoi. Le monsieur est saturé, quoi. Oui, bien sûr. Donc voilà. Mais elle a bien fait de m'alerter. Non, mais je pense que de toute façon, la municipalité aurait réagi aussi ouais. Rapidement. Oui. Ils n'auraient pas laissé... Non, non, non. Non, non, parce que là, regardez, c'est le seul cinéma de la vallée de l'Indre. Mmh. Et quand même, on a quand même réussi à avoir la même programmation que les multiplex. Hein. Ouais. C'est vrai que j'ai regardé un petit peu la programmation de vos films. C'est où oui. Vous avez des films récents. Oui. Où, encore une fois, là, vous avez des avant-premières. Donc Ah ben, on a des avant-premières, on a des sorties nationales. Mm-hmm. On a, oui, et puis les films, on les a pas plus de 15 jours, maximum 3 semaines de la sortie. Vous êtes équipé également en 3D, si alors, je me trompe alors pas. Alors, justement, en 2013 aussi, la communauté de communes nous a équipés en numérique. Ouais. On a eu le numérique, ça, oui, ça, c'est... Ah, bah, ça, c'est pour le projectionniste, ça, Philippe, ça Philippe Pras serait là, il dirait, c'est magnifique, parce que, vous savez, une pellicule de film, enfin, ça pèse 40 kilos. Ouais. Et puis, il faut les changer, il faut... Et il n'y en a pas qu'une, souvent, dans un film, ouais. Il y en avait plusieurs. Tandis que là, le film entier, mm-hmm. il pèse, peut-être, je sais pas, 200, 300 grammes. Ah ouais, c'est, non, mais que... c'est fou, hein. Moi, ils arrivent par la poste, ils arrivent la mairie et par la poste. Mm-hmm. Moi, je ramène 3-4 films à la fois sous mon bras, c'est très léger. C'est sûr qu'on n'aurait pas pu avec oui. les 40 kilos. Ah, oui. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'au point de vue, voilà, c'est tout à fait autre chose, quoi. Mm-hmm. C'est bien. Et justement, on arrive donc à 60 ans, est-ce que vous avez des attentes ou des envies pour les années suivantes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ah ben, on a une grosse attente de la part de la CCVI, c'est qu'on voudrait que notre salle soit rafraîchie quand même, mm-hmm. parce qu'elle n'a pas eu de travaux, elle, depuis... Un certain temps ben, un certain temps. En 92, quand on a créé l'association... La même moquette était sur les murs et tout ça. Donc, bon, c'est vrai que, bon, la lumière n'est pas très forte dans la salle, c'est normal. Mm-hmm. Donc, on ne voit pas trop bien. Mais nous qui savons, non, on en a. Donc, on espère. On croise les doigts. On espère que. Bah, parce qu'on nous avait promis en 2014, en 2015, en 2016. Donc, là, on espère. Pas qu'ils vous disent 2017. Oh non, mais ça serait bien parce qu'on reçoit aussi, on fait partie de l'association des cinémas du centre. Mm-hmm. Et donc, cette association organise des prévisionnements de films. Ouais. C'est-à-dire que dans le cadre des films du patrimoine, on passe des films du patrimoine mm-hmm. Tous les 3 mois environ. Et on fait des réunions entre salles de cinéma. D'accord. Donc, c'est chacun son tour dans son cinéma. Mmh. Et on accueille des prévisionnements comme ça. Ouais. Avec tous les propriétaires de cinéma, une dizaine de propriétaires de cinéma. Donc, ce serait bien qu'on reçoive quand même. Ouais, dans des, et voilà, dans des locaux. Et puis, quand même, autrefois, quand on a créé l'association, après, on a reçu quand même des réalisateurs. On a reçu, ah on ouais. a reçu Jean-Luc Anglade. Quand il était tout débutant, hein, mm-hmm. puisque son papa était vétérinaire à Montbazon. Très bien. Donc, il n'est pas né à Montbazon, hein, il est né à Langeais. C'est pour ça que le cinéma de Langeais s'appelle le cinéma Jean-Hugues Anglade. Ah ouais. Ouais. Ouais. Ah oui, on n'a pas pu. On n'a pas pu, mais on l'a accueilli quand il a plusieurs films. La Reine Margot, quand il a créé son film Tonka, mm-hmm. aussi, il est venu présenter son film... sympa, on a eu des réalisateurs. Il y a du monde, il y a des personnalités. Voilà, et on aimerait bien justement, si le cinéma avait un petit peu une autre allure, mm-hmm. L'intérieur, rafraîchi, ouais. On pourrait se lancer à inviter. Ouais, bien sûr. Pourquoi pas, mm-hmm. pourquoi pas. Bien entendu. Alors, je dois dire aussi qu'en dehors, là, depuis 1991, parce que, attendez, j'ai une petite précision à faire. Ouh, donc, j'ai arrêté, parce que j'étais trésorière ouais. de 92 à 96, mm-hmm. 4 ans. Après, j'étais présidente, 5 ans, de 96 à 2001. Ouais. Après, j'ai arrêté, parce que, bon, il fallait que je me repose un peu, parce que le cinéma, c'est un peu fatigant. Je vous comprends. Mais en 1999, avant de partir, j'ai accueilli Connaissance du monde. Connaissance du monde. Vous connaissez? Du tout. Connaissance du monde. Ah, il faudra venir. Parce que Connaissance du monde, c'est des conférenciers Oui. qui ont tourné des films dans tous les pays du monde, Ouais. hein, et qui viennent montrer leurs films et parler de leurs films et conseiller les gens qui veulent partir dans cette destination. Ah ouais, mais c'est très intéressant, très très intéressant. Et ce sont des films, c'est pas des voyages lambda où on vous emmène les agences de voyage, ils Oui, vous bien emmènent toujours au sûr. même endroit. Ouais. Là, c'est dans le pays profond, c'est vraiment de très beaux films avec des conférenciers intéressants. Ouais. Ouais. Et donc depuis 1999, donc j'accueille Connaissance du monde. J'en ai un la semaine prochaine C'est vrai? sur la Provence, voilà. Qui aura lieu quand? Le mercredi 23 mars, Ah, pour quelle heure? c'est 18h30. 18h30. Ouais. Et c'est c'est une période pendant 7 mois de l'année, d'octobre, septembre-octobre à mars ou avril. D'accord. Bah écoutez, moi je pense que je vais justement essayer Ah de oui, non, mais venir. là c'est la Provence, mais là on a eu le Transsibérien, on a eu le chemin de Compostelle, les chemins de Compostelle avant. J'ai fait la salle pleine. Ah bah ben. Ouais. Et que des personnes qui viennent de Alors, Montbazon, qui viennent d'à côté, qui non, qui viennent. viennent d'à côté, j'ai un club des aînés qui vient d'Èvre, qui vient et viennent au moins 40 personnes. Ah ouais. Ah ouais, ah oui. C'est super, Et ça autrement, attire. oui, j'ai une majorité de seniors quand même. Ouais. Oui, mais j'aimerais bien, justement, j'ai quelques personnes de plus jeunes, mais bon, c'est peut-être l'horaire qui fait ça, j'en sais rien. Mais j'aimerais bien aussi les enfants, parce que c'est Bien très sûr. intéressant pour les enfants. À chaque fois que j'ai une séance de connaissance du monde, je fais un petit article sur l'ANR, Ouais. et je dis, il faut que les enfants viennent. En plus, accompagnés de moins de 12 ans, ils ne payent pas, c'est gratuit. Bah, bien sûr. Donc, mais c'est très intéressant. Alors forcément, maintenant, à la télé, avec la télé, il Bah y a oui. beaucoup de reportages comme ça. Mais c'est pas pareil. Là, il y a la présence du Bah, bien conférencier. sûr, il y a Voilà. possibilité de discuter après, Ah oui. d'échanger Parce que justement. moi, je vois les gens, ils restent souvent après pour discuter. Alors si vous voulez bien, d'aborder la suite, on va se faire une petite coupure musicale et puis on va revenir juste après sur la suite des événements. À tout de suite. Justement, d'attirer un plus jeune public, peut-être que, encore une fois, on va un petit peu revenir dessus, sur vos partenariats et l'association que vous avez justement avec les juniors associations qui créent donc les ciné-petits-déj. Est-ce que vous avez vu que ça attirait peut-être un. Est-ce que vous avez un public un peu plus jeune qui vient suite à ce genre d'événement? C'est difficile à quantifier, bon, parce que bon, les parents viennent avec. Bien sûr. Alors, par contre, ça m'a amusé hier parce qu'on reçoit les enfants des ALSH et des écoles aussi. Alors là, hier, c'était une école. Ça devait être une école maternelle parce qu'ils étaient vraiment très petits. Ouais. Le matin, ils sont venus voir un film. Et en sortant, ils étaient en rang avant de sortir. Et il y a une affiche Ratatouille à la porte. Ils disent, Ouais. oh, Ratatouille, oh, Ratatouille, Ah on va bah venir voir Ratatouille. Et je pense que c'est. Ils font la publicité à leurs parents. ouais. Et donc, ça, c'est bien. Et donc Ça, c'est bien. ça les envoie sur Oui, Ratatouille et oui, justement les parents qui peuvent ensuite oui. ou Oui, les oui, enfants être intéressés sur la suite de la programmation oui. Tout à fait, oui. pour ce dimanche justement. Oui, mais enfin, on a quand même un grand nombre d'abonnés, hein. Ouais. Ah oui, Bah oui, justement, oui, oui. quelles sont un petit peu vos attentes pour ce dimanche? Est-ce que vous me parlez de réservation? Vous savez combien de personnes peuvent. Alors pour l'instant, on a fait sur réservation. Pour l'instant, on a une soixantaine de personnes sur réservation. Donc après, mais ce qu'il y a, c'est qu'on avait fait un forfait pour la journée, Ouais. puisque c'est les 60 ans, c'est 55, 2015. Là, c'est 2016, parce qu'on a repoussé un petit peu, mais parce qu'on a repoussé, c'est parce qu'on a fait un ciné-vacances Ouais. pendant les vacances d'octobre. D'accord. Alors, bon, si on enchaînait là-dessus sur les 60 ans du cinéma, après il y avait les fêtes de Noël, Ouais. les fêtes de fin d'année, donc ça aurait fait trop. Donc on a dit tant pis. Oui, on 2015, 2016, Ouais. début 2016, voilà les 60 ans. Donc un petit peu donc ce dimanche encore une fois on va y retourner Oui. dessus. Donc Ratatouille le matin Ratatouille le matin à à 10h, 10h30. 10h30 Oui. avec un petit déj Ah, voilà, de offert prévu. par l'accueil jeune. Voilà. C'est ça qui est sympa, c'est parce qu'on collabore ensemble, c'est bien. On est très contents de cette collaboration. Bien sûr, et Ouais, on ouais. espère justement que ça. Bah, je sais qu'il y a eu plusieurs événements comme ça. Il y a eu des nuits du cinéma d'horreur où il y avait trois films différents Voilà, qui avaient été. tout à fait, Donc c'est une bonne chose, c'est oui. bien de pouvoir Non, mais travailler c'est bien. justement. Mais le coup du cinéma le dimanche matin, il y a longtemps que j'avais pensé à ça. Ouais. Mais je ne savais pas trop comment organiser ça. Voilà. Et voilà, l'entraire est arrivé. Et que C'est eux super. justement Ah ben, gèrent la chose, c'est. c'est super parce qu'ils gèrent la chose. Donc nous, on gère notre partie cinéma. Chacun gère son truc. Ça se passe en toute convivialité, en C'est bonne entente. su C'est super super. ça. C'est très bien. Ouais. C'est vraiment nickel. Ah oui, on aime bien. Donc voilà, alors ciné petit-déj le matin. Ouais. Et donc l'après-midi à 14h30, le film donc des années 50, de 56, Ouais, le Franche-Cancan. French Cancan avec Jean Gabin. Et puis après, donc on passe dans la salle à côté, la salle Pierre-Méry, Ouais. où bon, on a un petit rafraîchissement avec des petits gâteaux, des Ouais. petites choses à manger. Et puis après, on retourne Visionner le au second cinéma. film. Alors, je vais parler tarifs quand Bien même. sûr, j'allais justement Voilà. aborder le point. Alors, la matinée, les enfants, c'est 4 euros, Ouais. hein, et 7 euros pour les parents, naturellement. Or donc hors du petit-déj ou c'est compris dedans? Est-ce que les deux sont Non, dissociés non, dans le non, non, prix? ça c'est les prix du film, hein, c'est les D'accord. prix cinéma. Hein. Et puis, après, donc l'après-midi, pour les abonnés, l'après-midi entière, les deux films, plus le rafraîchissement, Ouais. c'est 10 euros par D'accord. personne. Et pour les non-abonnés, c'est 12 euros. Bah, c'est pour deux films Ouais, et puis et des rafraîchissements, c'est. voilà, un petit pot convivial, bon Bah, bien voilà. sûr. Surtout que maintenant, si je me trompe pas, les places de cinéma, quand on va dans les CGR ou ce genre Ah de choses, oui, ah oui. c'est facilement 10 euros dans ces Ouais, deux-là. Donc ouais, là, pour deux ouais. films, dont un. Bah, faut dire que oui, on n'est pas cher, mais bon, on est juste, juste, Ouais. hein. On vit juste, hein. C'est voilà, on essaie voilà d'être compétitif, mais c'est pas facile, hein. Bien sûr. Parce que bon, on donne quand même 50% aux distributeurs ou 40% au mieux, mais Ouais. bon, c'est souvent 50% aux distributeurs. On paye une taxe sur les places aussi, qui est au CNC, Ouais. qui est conservée pour si on a des travaux à faire, des choses comme ça. Ça D'accord. s'appelle la TSA. Et on est soumis à la TVA. Aussi. Et aussi. Bah, c'est une entreprise. Hein. Et, c'est... et justement, vous avez combien de salariés sont présents dans, alors, dans le générique? Alors, on a donc Philippe Prat qui est salarié, qui est assistant directeur, si on veut, projectionniste. Et puis, on a une Marion qui est remplaçante. Mmh. Et cette année, enfin en 2015, on a eu une chance inouïe, c'est qu'on a deux personnes qui ont reçu le, qui ont eu le CAP dans nos bénévoles. D'accord. Donc Marion, qui est remplaçante de Philippe, et puis Aline. Aline Baudot, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la vie de Montbazon. Mmh. Elle est présidente de Max, la société Max qui gère le, la Maison des Arts. Ouais. Montbazon, activité culturelle et sportive, Max. Très bien. Alors là, elle est trésorière du cinéma, elle est trésorière du comité de jumelage, dont je suis présidente aussi. Bah, ça en fait, lui. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps. Mais bon, j'ai pris ça en plus. Ouais. Donc, elle a eu son CAP aussi. Ouais. Donc voilà, donc, on manque de rien là. On a, si jamais on... On a des soucis, là, on a... On a ce qu'il faut, l'équipe est derrière pour, voilà. Pour assurer. Alors, il n'y a que Philippe et Marion hein, qui sont salariés. Ouais. Voilà. Très bien. Et puis après, donc, on a une petite vingtaine de bénévoles. Ouais. Et alors, on fait un planning hein, tous les mois. À chaque fois que le programme du cinéma change, mmh. toutes les quatre semaines environ. Et donc, on fait une réunion. Et là, à chaque séance... Ouais. De chaque bénévole dit ben moi je veux bien la faire pour vendre les billets. Mmh. Hein. Et on peut est-ce que si... alors imaginons moi maintenant j'ai, ah oui. j'ai on peut ah bah venir vous contacter voilà ah bah je souhaiterais participer Ah bah tout à fait. Ouais, c'est ah bah c'est possible. Oui. On sera accueilli à bras ouverts. Plus on est mieux ça vaut. Ah bah forcément. Parce que forcément plus on est moins les chacun a parce que ça fait quand même pas mal de séances. Hein. Mmh. Ça fait beaucoup de séances. Hein. C'est vrai, vous faites combien de par alors semaine? Alors, on vous fait séances 8 séances par semaine, plus d'autres séances qu'on rajoute quelquefois mm-hmm. par rapport à certains films. Ouais, et les événements à côté que vous, vous avez ou et puis, alors, après, Philippe Prat, lui, fait des séances école au cinéma, collège au cinéma, mm-hmm. Maternelle au cinéma. Ouais. Et puis, les ALSH pendant les vacances. Mm-hmm. Donc, lui, c'est le matin, tout ça. Ouais. Mm. Mais après, bon, le lundi, on a une séance à 15h, quelquefois une séance à 18h et une à 20h30. Ah ouais, ça, fait du, ouais. ça va faire du travail. Le mardi, on a une séance à 20h30 et quelquefois, on en fait l'après-midi quand il y a des films qui méritent ça. Ouais. Après, le mercredi, normalement, il n'y a rien. Ou alors, il y a s'il y a des ALSH pendant les vacances scolaires. Ouais. Le jeudi, c'est le jour de relâche quand même. Quand même. Hein, quand même. Un petit peu, il faut. Quoique, bon, on a une petite idée quand même aussi, parce que pour les films, justement, art et essai, mm-hmm. parce qu'on est classé art et essai ouais. aussi, depuis longtemps. Et donc, moi, autrefois, dans ma première vie au cinéma, ouais. J'avais créé le Ciné Jeudi. Mm-hmm. C'était justement destiné à des films art et essai. Ouais. Des films en VO, tout ça. Mm-hmm. Et puis, bon, la personne qui m'a succédé après trouvait que, bon, il n'y avait pas assez de monde. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait qu'une vingtaine de personnes. Forcément. Mais c'était des cinéphiles. Hein. Mmh, bien sûr. Donc, il a arrêté ça. Et bon, on n'a jamais repris. Et puis, avec Philippe, bon, on en parle de temps en temps. Pourquoi pas, justement, dans les temps qui viennent, relancer ça. Ouais. Après, le vendredi, donc, on a une séance à 20h30. Le vendredi, c'est un petit peu plus calme. Ouais. Le samedi, ça dépend. Normalement, on a une séance vers 17-18h et puis une à 20h30. Mmh. Mais c'est pareil, quand on a besoin, on fait à 14h30. Ouais. Et puis le dimanche, c'est pareil. Le dimanche, 14h30 et 17h30, je crois, quelque chose comme ça. C'est quand même c'est chargé quand même comme Ah ben oui, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de bénévoles pour faire les permanences. Parce qu'en principe, ils sont deux ensemble, hein. Mmh. Ils sont deux à faire. Donc on en appelle un petit peu aux donc, auditeurs. Donc si, voilà, alors si les auditeurs sont intéressés pour être bénévoles au cinéma, il faut venir dans un premier temps aux heures des séances que vous trouvez sur les programmes du cinéma. Ouais. Vous venez, vous regardez oui. comment ça se passe. Vous venez plusieurs fois, vous regardez. Et à un moment, si vous dites, bon, je me sens à peu près, vous faites avec une personne ouais. plusieurs fois. Et après, en général, on attend 2 ou 3 mois. Ouais, bien sûr. Voilà. Et après, donc, ben, voilà, C'est parti. voilà, c'est parti. C'est pas très difficile, mais c'est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les, comment ça s'appelle, le mardi soir, là. C'est Ciné-D. Ciné-D le mardi soir. Donc ça, c'est un peu spécial parce qu'il y a un code à enregistrer sur l'ordinateur, D'accord. etc. Pour enregistrer On, les personnes qui viennent, en fait, voilà, justement. il y a les clerks, il y a les, on fait aussi des prix pour les CE. Ouais. On vend des carnets de billets pour les comités d'entreprise. Voilà, tout ça, c'est un peu. C'est à chaque fois particulier, c'est faut Voilà, il y a savoir des le tarifs, gérer, voilà, savoir. des tarifs différents. Mais bon, après, il faut s'habituer Oui. à la gestion sur l'ordinateur, Bien quoi. sûr. Voilà, après, c'est tout, hein. Bon, bah, c'est Après, il faut parfait. que la caisse soit bonne, Bah, oui, pas qu'il y ait forcément. erreur. Bon, bah, très bien. Oui, Bon, bon. parfait. Bah, ma foi. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions à me Ah bah poser? moi, je crois qu'on a fait le tour un petit peu Oui. là. Bah Si vous écoutez, avez peut-être encore j'espère que vous viendrez nombreux donc demain 13 mars au générique Ouais, je pour l'espère également. non seulement avec les petits le matin pour Ratatouille, mais pour les plus grands, parce que c'est pas facile après avec les enfants, Bien sûr. ceux qui ont des grands enfants ou les plus anciens qui viennent voir quand même un film des années 50, c'est intéressant. Bien sûr. Voilà. Ok. Bon, ben, je vous remercie encore une fois, Eh Aline, d'être ben passée. merci de m'avoir invité. C'est très sympa. Ben, merci bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.